Bismillah ar-Rahim. Donc dans le dernier ders, nous avons pris le bab qui était l'awqat al-mani anu al-salafi ou fiha. Dans le dernier ders, nous avons pris le chapitre qui était les temps interdits de salat, qui contenait deux hadiths. Aujourd'hui, c'est un nouveau bab, toujours dans le kitab salat, qui est bab qada al-fawa'id wa tartib wa Donc ce nouveau chapitre, c'est le chapitre qui est, on peut dire Tartibia ou Tartibua, on peut dire les deux. Non. Donc c'est le chapitre du rattrapage des salats qui ont été manqués. Et l'ordre. D'accord, les salats qui ont été manqués avec une excuse. Alors que les salats qui étaient manqués sans excuse, les relèvements ont divergé. Et certains disent que tu n'as pas à la refaire quand tu l'as manqué sans excuse, donc elle est perdue. Et d'autres disent que tu l'as fait quand même. Pour pouvoir, comment dirais-je, car cela, t'es obligatoire quand même de la faire, mais tu n'as pas de récompense à cette salat-là. Et tu dois faire tawbah. Notre cher Yahya, lui, voit que, une fois que l'heure, elle est finie, et tu ne l'as pas faite sans excuse, tu n'as pas la rattraper, cette salat, elle est perdue, quoi que tu fasses. Mais si tu veux faire tawbah, tu fais tawbah, et tu fais plus de salat, c'est rogatoire, en espérant que celle-ci la combler, yawm al-qiyamah. Car Allah Azzawajal, il regardera les salats que le serviteur a accomplis. Et par la suite, il regardera dans les salats surrogatoires qu'il aura accomplis pour combler celles obligatoires qui ont été mal accomplies. Non, comme cela est venu dans les hadiths. Il y a Paul, Awalil fil hadith à Rabi' wal Khamsin, 54e hadith. An Jabir ibn Abdillah, Anna Omar ibn Khattab, Ja'a yom al Khandaq, Ba'dama gharabat al-Shams. فجاء علي يصب الكفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد مغرب الشمس ثم الصلاة بعدها المغرب وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه le jour de la bataille tranchée a dit Après que le soleil se soit couché, il s'est mis à insulter les mécréants de Quraysh. Et après, il a dit, « Au messager d'Allah, j'ai failli ne pas faire la salat du Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. » Il a failli la rater. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Oh par Allah, moi je ne l'ai même pas faite. Je ne l'ai même pas accompli du tout. » Donc après, il s'est rendu vers un wadi, une vallée qui s'appelle Boudhan, et de là, ils ont fait le wudu pour la salat. Ils ont fait le wudu avec lui. Et là, il a fait le Asr. Après que le soleil soit couché, c'est-à-dire à l'heure du Maghreb, et ensuite il a fait le Maghreb. Naam. Fayaqul Fadilat al-Sheikh ibn al-Thaymin rahimahullah ta'ala. Arawi Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma. Donc le rapporteur c'est Jabir ibn Abdillah. Et que sa tarjama a été citée dans le hadith 35. Maudou al-Hadith bayyan kayfiyat qada al-fara'id idha fata waqtuha. Et ce hadith est pour montrer comment rattraper les salats obligatoires lorsque leur temps est sorti. Pour celui qui a une excuse, bien évidemment. فقال أولا في شرح الإجمالي لسنس جلوبال دي حديث يحدث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد غروب الشمس غاضبا على قريش يعيبهم ويشمتهم ويشتمهم حيث شغلوه عن صلاة العصر دونك جابر raconte que عمر بن الخطاب s'est rendu près du Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour des tranchées, la bataille des tranchées qui a eu lieu à Medina après que le soleil soit couché en colère contre Quraysh en les critiquant, en les insultant du fait qu'ils l'ont empêché de faire la salat du Asr jusqu'à ce que c'est-à-dire qu'il a failli rater le temps donc il a fait ne pas la faire en son temps فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصليها. Et النبي صلى الله عليه وسلم lui a informé que lui ne l'a même pas accompli. وأكد ذلك القسم تتمينا لعمر وإشهارا بعظم التأخير. Et que également il a confirmé que le fait qu'il n'est pas fait cela en jurant. et pour montrer justement la gravité du fait d'avoir appris cette salat. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الى وادي بطحان فتوضأوا منه للصلاة. Et qu'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu au Wadi Budhan où il y avait de l'eau. Et là, ils ont fait les ablutions pour la salat. ثم صلى بهم العصر بعد أن غربت الشمس وصلى بعدها المغرب. Ensuite, il a fait la salat du Asr, c'est-à-dire en groupe, après que le soleil soit déjà couché. Et une fois qu'il a fait celle du Asr, il fit celle du Maghrib. Non. يقول في فوائد الحديث les enseignements utiles du hadith. جواز سب الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك. Premier lieu qu'il est permis d'insulter les mécréants. Car le Nabi صلى الله عليه وسلم a approuvé Omar dans ce qu'il a fait. Et là, quand on dit qu'il a insulté, le hadith ne dit pas qu'il les insultait en face d'eux, mais qu'il parlait d'eux en les insultant, en parlant mal sur eux. Wallahu ta'ala alam. Car يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوان بغير علم. N'insultez pas ceux qui invoquent autre que Allah, car ils se mettraient à insulter Allah en toute humilité et sans science. Donc s'il y a un mal plus grand qui en découle, il ne faut pas les insulter. Bien que cela est permis à la base. Maintenant, si on sait que cela n'arrivera pas, alors les insulter est permis. Non. Les insulter ne veut pas dire non plus être grossier, être vulgaire. D'accord? Car le mot insulte en arabe, c'est bien plus large qu'en français. Par exemple, de faire doa contre quelqu'un, tu lui dis « La barakallahu fik » qu'elle ne mette pas de baraka. Ça s'appelle un sab également en arabe. Ce qui est contredit par le mot insulte. Donc en arabe, le mot sab est plus large que le fait d'insulter comme nous on le comprend en français. Thaniyan jawaz al-halif bidun talab. Idha kana fi maslaha. Qu'il est permis de jurer sans même qu'on te le demande. Si jamais il y a un intérêt derrière. Car le Nabi Islam, il a dit Wallahi ma salaytuha. Il a juré du fait qu'il n'avait pas fait la salat du Asr. Thalithan an qada al-fawa'id ala tartib yabda bil awwal fal awwal. Et que celui qui a raté une salat. Il commence dans l'ordre, c'est-à-dire il commence d'abord par rattraper ce qu'il a manqué, ou s'il en a manqué plusieurs, par l'ordre. Par exemple, il a raté le Dhor et le Maghrib. Et il est entré dans l'heure du Isha. Par exemple, je ne sais pas, il était malade, ou il était endormi, à un soleil profond. Mais lorsqu'il se réveille, il commence d'abord par faire le Asr, après fait le Maghrib, après fait l'Isha. Il fait dans l'ordre de ce qui lui a échappé. Après, il y a un khilaf dans cette masala par rapport au lama, mais le call authentique, c'est celui-ci. C'est que tu le fais dans l'ordre. Ou à kada. فهذا الذي أردنا أن نأخذ اليوم والحمد لله رب العالمين